Oh non, on ne peut pas commencer de même, là. Non, non, la Ah, limite, c'était impossible. Puis, j'ai lancé les 2 dernières semaines. Tu te rappelles, ma chérie? Mon adulciné, mon incompréhension de toujours. 2 blagues, hein? Non? T'as pas de mémoire? L'histoire d'un couple qui s'en va au 22e étage. Puis là, la femme va pas très bien. Elle est suicidaire. Elle dit, oh, elle dit, je vais me tirer en bas du 22e étage. Son mari descend en bas, va voir le réceptionniste. Il dit, hey, monsieur, monsieur, ma femme veut se suicider puis se tirer par la fenêtre. Fait que là, il dit, hey, moi, l'histoire de couple, c'est dans votre intimité. Non, la fenêtre veut pas ouvrir. Bon. Mais l'autre, là, oui, elle a 19 ans, premier enfant. Le petit poupon est tellement beau, elle regarde son amoureux, puis elle lui dit, hey, quand je pense que j'aurais pu l'avaler. Bon, c'est les deux. T'as manqué les 2 semaines. Ben, je t'ai dit les 2 blagues. Puis là, Lightning, là, j'ai eu des messages, là, les gens t'aiment, vibrent sur ta sonorité robotisée. Surtout les filles. Je sais pas, vous avez un lien vibratoire, vous autres entendez, vous autres là, hein? Non, moi aussi, ça va, c'est mon côté féminin qui vient me chercher lorsque ça voit. Vous avez jamais vu les lèvres de Lénine? Oh là là, c'est de la babine. Babine en haut, babine en bas. Pas de, vous savez, l'injection là. La gelée mammaire, mais au niveau des lèvres. Comment t'appelles, en tout cas, peu importe. Moi, je suis pas un gars qui. Je me suis jamais fait étirer. Je devrais me faire étirer le visage, là. Ma femme me dit, Réginal, c'est bien beau, là, mais t'embrasses le 60, là. T'embrasses, puis je pense bien, comme t'aimes bien le léchage, là, la langue, tu la sors, puis y a pas juste la langue qui sort, là, quand t'as cet âge-là. Puis ça devrait pas, hein? Ça doit rentrer à l'intérieur, rester à l'intérieur. Là, je commence à m'en faire pour toi, là, mon vieux. Comme chantait Daniel Guichard, Guichard, Béchard, Nachard, Guichard, Richard, en one double, en wing, en ligne, hein? Oui, Stéphane, c'est pas Stéphane, c'est Daniel. Guichard, mon vieux. Mon vieux, c'est le nom de son père, c'est son père, mon vieux. Mon vieux, il était un amoureux. Mon vieux, là, les gens pleurent. Et voilà, bon, je m'en sors. J'avais plus beaucoup d'argent. Je revenais d'un tour charmant. Et quand j'en parlais à mon vieux, il me disait, mon petit torieux, arrête de dépenser et tu iras mieux. Mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux, c'est grand prix. Prisonnier de nos rires. Hein, on mélange des chansons. Et puis, qu'est-ce qu'il disait l'insignifiant? C'est une ouverture d'émission. C'est comme les ouvertures éclair ou les fermetures éclair. Mais moi, je préfère les. On n'a jamais parlé de ça. On dit une fermeture éclair. Pourquoi pas une ouverture éclair? Moi, il m'a inventé ça. Demain. Demain, là, j'appelle mon. Comment tu les appelles? Les gens qui. On les appelle pas, ils viennent tout seuls. Moi, je suis un inventeur. Pas un inventeur, mais je suis un inventeur. Ah, mon Dieu. Et puis, moi, il dit, hey, moi, là, je veux pas me lancer dans la fermeture, mais dans l'ouverture éclair. On va en ouvrir des affaires. Il va s'en passer. Là, les enfants vont. Ah, ça va peupler, ça va peupler. Pas les enfants, mais on va en faire des enfants. Ah, les cours d'école vont être remplis. Ah, du plaisir. Monsieur Cornet, Madame Guimauve, tout le monde va être là. Hein? Ça va manger, ça va rire. On va jouer au ballon, à pétanque. On va en prendre. Oh, mais faut. Non, mais ça peut être dangereux, mais je crois qu'après 7-8 ans, on peut apprendre aux enfants à jouer à la pétanque. C'est un sport qui se perd, ça, là. Puis ça devrait être aux Jeux Olympiques, là. Ça a été à Paris, les Jeux Olympiques en 2024. Pourquoi ils n'ont pas dit la pétanque? Pourquoi ils n'ont pas pris ça comme un jeu officiel, la pétanque? Pourquoi c'est ridicule, la pétanque? Un jeu de poche, es-tu pas plus ridicule? Jouer un jeu de poche, au jeu de poche dans une cour d'école avec plein d'enfants? Je préfère la pétanque. Moi, hein, ça fait travailler, hein, tout le bras, la poche aussi, mais la poche est molle. Puis la pétanque, c'est un peu plus lourd, donc ça fait des biceps, des biceps, des biceps, hein, ça fait des. Oui! Ça va faire des enfants forts, là. Pas des petits chevreteux, mais il donne bizarre de tenir un crayon 15 minutes. Il faut pitonner, il faut avoir un écran. Il faut avoir un clavier. Oh, oui, je sais, ça délire avant, hein? Ben, je pense qu'on est en forme. Fait qu'on va lancer l'émission, puis on va pas, on fera jouer la chanson plus tard. Alors, on est le 14 octobre 2024. T'es-tu prêt? Oui, on y va. Aujourd'hui, le lundi 14 octobre 2024, monte le volume, puis hume la différence, et c'est parti. Mon je vais m'envoler. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Arrêtez de m'appeler, là. J'ai rien contre la poche. Pas du tout. Mais ça va faire des mollassons. Ça fera pas une jeunesse, là, quand même assez étoffée. Tu sais, ça va faire un peu Woodstock. Il est un peu mou, là. Il est mou. À un moment donné dans ta vie, tu vas vivre ce bout-là mou et tu vas terminer ce bout-là mou aussi. Mais à travers ça, il faut une certaine rigidité. Puis la pétanque, il n'y a rien de mieux. Moi, le matin, danser, hein? Oui. Moi, mon sport, c'est la pétanque. Moi, mon sport, c'est la pétanque. Péting, patanque, pétong. Gamma de ging, pam, ping, pam, pom, ping, ping, ping, ping. Avec une bière dans mon salon, regarde la pétanque. Non, on ne peut pas regarder la pétanque à la télévision. Il n'y a pas de match de pétanque à la télé. Il y avait des quilles à l'époque, hein, la soirée des quilles. La belle grosse quille, hein, la belle grosse boule que tu tenais dans tes doigts, tu rentrais ça dans les trous. Si tu ne lâchais pas les trous, là, tu roulais avec ta quille. Puis là, t'embrassais, on embrasse, hein? T'embrassais les quilles sans le savoir. Puis si tu le savais pas, tes dents le savaient. Ah, mon doux! Combien de dentiers j'ai pété? Combien de gépétos j'ai cassé? Ben oui, gépétos, j'avais fait un pantin, comme Pinocchio, là, mais je l'appelais Gépéto parce que c'est lui qui l'a inventé, Pinocchio, Gépéto. Enlève Gépéto, il n'y a pas Pinocchio, puis enlève Pinocchio, il y a Gépéto. Alors moi, je l'ai pété, combien de fois ça a boule? C'est surtout la grosse boule, là, tu sais, la grosse quille, là, qui veut jamais lâcher celle du milieu. C'est une maudite, celle-là. Pas éduquée, cette affaire-là, là. On n'y a pas appris à se coucher. T'es obligé d'aller sur place, hein? Tu vois, tu marches dans l'allée, même si c'est bien ciré, hein, le gars qui travaille à toi et nuit pour lustrer ça, puis toi, avec tes grosses bottes. Oui, je sais, c'est spécialement pour ça, mais pas pour aller dans ce coin-là. Toi, c'est au début de l'allée, pas dans le fond de l'allée. Là, t'arrives avec ta hache, tu sais, comme fait comme dans Shining, là, Jack Nicholson, avec ta hache, là, dans, il est dehors, puis il fait froid, c'est l'hiver. Mais oui, c'est pas ça, t'es dans l'allée, tu bouges dans l'allée, puis là, t'as voix, la grosse quille qui veut jamais tomber, là, et, là tu te dis, c'est. Non, mais tu pètes un plomb. Tu pètes un petit plomb. Un petit plomb. La police arrive aussi. Après ça, c'est le FBI, mais ça, c'est une autre histoire. Mais on va aller dans le petit relax. Fait que là, tu marches dans l'allée là, avec ta hache. Puis là, tu dis, hey, là, c'est fini, là. Hein, la dernière qui ne veut pas tomber, m'a fait tomber. Là, elle fait clash, elle fait. Avant que tu. Parce que tu n'as pas de visu. Avant que tu touches la quille, tu as tout brisé en bas le plancher. Là. Le plancher est en train de pleurer, puis ça saigne de partout. C'est pas parce que tu t'es blessé. Non. Tu as fait mal au plancher parce que c'est un plancher flottant. Puis quand ça flotte, c'est vivant. Si ça flotte pas, c'est pas vivant. Moi, écoute, moi, j'étais un grand chimiste. Ah oui, j'ai étudié la chimie, moi, là, en 1969. Oui, quelques temps avant, on parlait de Woodstock, là, c'est moi qui combinais les petits effets spéciaux. Tu sais, quand tu écoutais Jimi Hendrix ou tu voulais aller le voir en spectacle avec Janis Joplin, là, dans un petit sac plastique, là, c'est pas moi qui ai inventé le sac plastique, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est, ah oui, on appelait ça le Super Woodstock. Super Watchdog, t'en prenais juste une petite, là. Ah, juste une petite. Ah ouais, petite. C'était 100% bio, 100% santé, puis 100% tripatif, comme disait l'Enguerrand. C'était tripatif. Et monsieur, avant même, il y avait comme une excitation mentale, parce que tu l'avais même pas prise, là, cette petite pilule-là, là. Tu l'avais dans tes mains, là. Puis tu délirais, tu disais, t'avais rien fait encore, là. Ah, c'était chaleureux, ce temps-là. Aujourd'hui encore, ça peut être chaleureux, mais on peut plus offrir ça. Non. Puis, entre nous, là, appelez pas la police, appelez personne, là. Ben, vous appelez ce que vous voulez, là. Vous êtes libre. On est dans un pays libre, le Québec. Le pays du Québec, je ne suis pas ailleurs, en dehors de notre beau sentier près du ruisseau, mais ici, pour ne pas dire ici, tu as le droit de faire ce que tu veux sans déranger personne et en restant dans les barèmes, dans les cadres. Non, ça, si tu fais ça chez toi, tu ne déranges pas ton voisin, pas de problème. Si tu fais pas mal à personne, pas de problème. Bon. Et puis, après ça, ils ont changé de nom pour mon Super Woodstock. Ils ont appelé ça placebo. Ça veut dire que oui, tu ingurgites quelque chose, mais non, il n'y a absolument rien d'hallucinogène. C'est dans la tête que ça se passe. Comme tout le reste. Tout part du cerveau. L'ordinateur, là, c'est pas ton IBM, c'est pas ton, je sais pas comment tu l'appelles, toi, HP 3500, non, c'est pas ton portable, ton insupportable, je parle pas de ton mari, madame, là, non, je parle de ton insupportable, t'as acheté un portable, t'es pas capable de l'ouvrir, tu le trouves insupportable, pas compliqué, ça là, là-bas, hein, moi j'ai acheté une tablette. Ah oui, elle n'était pas en chocolat. Ah, elle était loin d'être là. Il n'y avait pas de chocolat. Ni blanc, ni brun, ni 70, ni au lait. Puis, ah, mais moi, je suis une soupe au lait. Ah, je m'enrage de rien. Tu dis, Renald, que tu veux, toi? Non, je suis spontané. Je frappe pas, mais je crie beaucoup. Je crie dans le sens, je suis comme Pavarotti. C'est la sortie bizarre. Pavarotti, il criait, mais il criait en chantant. Ça paraissait moins pire. Monsieur Millot. Moi, c'est pas la même chose. Et puis, en parlant de même chose, sais-tu l'histoire de Mozart? Ben oui, j'ai fréquenté une étudiante à l'université. Elle préparait un... Oui, elle préparait... Le pâté chinois, elle préparait d'une manière... Mais dans ses études, là, un mémoire sur Michel Brault. Et c'est un réalisateur de cinéma, si tu connais pas Michel Brault. Et puis, c'est important de le savoir avant de mourir. Toi, là, va voir au moins 4-5 films, là. Il a sorti... Il y a un coffret, au moins, officiel. Et puis, les autres, c'est Michel Brault. Donc, part par les autres, puis il en a fait plein d'affaires. Il a fait aussi du documentaire, tu connais ça ou ça. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, les signifiants, donc... mon Dieu, je m'en souviens plus. Ah, l'affaire placebo, ouais. Et ça, hein, à l'ancienne, hein, je me souviens plus, vraiment, là. J'essaie de me souvenir. Attends, là, je peux pas repasser sur le sol. Tu sais, quand t'oublies, puis non, quand t'as un blanc, tu faisais quelque chose, tu t'en vas ailleurs. Ah, mais c'est quoi, là? Puis tu repasses par la même... Là, ça te revient, mais dans ma tête, j'essaie de repasser, mais c'est tellement grand. C'est éclairé. Il y a juste un petit coin noir. Oh, j'ai vu quelque chose. Oh, c'est spatial. C'est un petit coin noir, mais assez grand pour un petit coin noir. Mais je l'appelle quand même le petit coin là parce que ça a comme une représentation aux yeux des gens. Si tu dis juste le petit coin, puis il est pas noir, ben ça risque de glisser ou d'être ou d'être humide. Non, c'est pas un endroit où ça, il y a une autre affaire là. On appelle ça un cabinet d'aisance, mais c'est pas un cabinet d'aisance. Non, c'est un petit coin noir. Ou c'est comme c'est un petit coin de ciel pour le loisir de ma chérie. Non, c'est le bord, c'est quoi, le bord du ciel, sur le bord du ciel ou dans le milieu? T'es-tu sur le bord, sur le milieu, madame? Oui, sur le bord du... C'est pas ça. Non, sur le corps du ciel. Sur le corps du ciel. Hey, sur le corps. Si t'es sur le corps du siège, je te conseille de rentrer dans le nombril. C'est tellement beau. Bien ces jeunes chanteurs qui vous sont inconnus. Et est-ce que vous êtes prêts à parier sur leur chance? Je vais vous raconter cette soirée mémorable où le groupe IM a été déclaré comme un sortable. On était tous les six, cours au vieux port, quand tu montais pas dix. Moi j'ai un plan ce soir, je sors. Ah ouais les gars, ouais, répondu dans vos voix. Je lance un hardcore alimenté à la pelle forte, pleine de petits bourgeois portefeuilles. L'épée qui passe dans la rue et qui ne pense qu'à nous mépriser. Juste mais tant pis, aucun de nous n'hésite. Je m'explique, un quart d'heure de plus on passait à l'état de stalagmite. Il y avait le blizzard, le Celsius était en baisse comme une belle nuit d'hiver à moments en URSS. Hors de question que l'on passe la nuit ici. Certains n'étaient pas d'accord, enfin bref, nous voilà partis, métro à l'œil. Merci la RTM, nous penserons à vous quand viendra le moment des étrennes. Après un mot pour la régie qui nous sponsorise, il ne faut pas que je m'éternise. Ok, revenons dans le sujet, station de métro Perrier. C'est là que Duguay-Clair organise ses soirées. Devant la maison, il y avait des milliers de lampadaires. On se serait cru le 14 spectacle sans et lumière. Arrivé à l'entrée de mec, nous dit c'est 70. Dis-moi, c'est pas un peu que ça gratis. Bon allez, dégage, allez chic, tire de là. Indique-moi plutôt le chemin droit vers le buffet froid. 1. L'entrée bien entendu, je ne la paye pas. 2. On va tout bouffer et c'est ça pour toi. Ouais. Attentat violent, au boulevard Michelin. Les sandwichs en voltigé, aucun rescapé. Car pour le cas où vous ne vous en apercevez pas, nous sommes fonction directe et c'est un attentat. Oh là là, ils sont insortables. Et j'espère que nous passerons ensemble une bonne soirée. C'est un attentat. Et j'espère que nous passerons ensemble une bonne soirée. Au bout de 5 minutes, la piole était sodomée de mort. Certains disaient être envahis par la zone des quartiers nord. Ou avec les regains de Jean-Marie, c'est rituel. Oh là là, ces émotions sont vraiment trop cruelles. C'est de la provocation. Allez, ferme ta bouche et passe-moi donc une frappe. Qui ne veut pas qu'on la touche, il m'a gavé. Mais j'ai bougé car j'avais faim. Qui vit au buffet, et ça joue R4. Je me tâte entre le pâté et le jambon. Pendant que dans la salle, les autres font évidemment les cons. Disant à cet écrit en communiquant. Mais la communication se fait à coup de taquet dans les dents, c'est trop beau. Mais moi j'ai chaud, j'ai bu et pas que du sirop. Alors dans la salle, je sens monter une odeur de pavot. C'était derrière moi, depuis sa papa se déverrondait. Et devinez qui l'on va s'empresser d'accuser. Je n'avais plus rien à dire et j'étais fermé à sortir. Quand une fille dénière peut faire le premier sourire. Excité apparemment car on est assez différent. Ça fait bien de coucher avec un mec au regard menaçant. On est allé dehors, assis loin des amis. Elle avait une jupe, t'en voilà. Et fais pas de chichi, fais ce que je dis. Car il fallait être plus sûr ou juste écrase un pavanaire bien gras dans la figure. Et c'est un attentat. Oh, ils sont insortables. Et j'espère que nous passerons ensemble une bonne soirée. C'est un attentat. Oh, ils sont insortables. Et j'espère que nous passerons ensemble une bonne soirée. Retour à l'intérieur, j'ai fini de digérer ma bière. Pour mon plus grand malheur, toujours cette putain d'atmosphère. Quand j'entends une voix, si tu fumes en jouant, tu t'aimes. Je lui réponds, mec tu dois fumer le belge. Alors fuis, car je suis en train de m'énerver. Tu risques de finir avec une figure au point carré. Mais hop, je fomente un complot contre un nouveau rôti chaud. 1, 2, 3, c'est parti, let's go. Eh oui, la rumeur consommait la terreur. Ici puis le tour et la fureur, puis de l'ampleur. Quand la liberté de chiotte, ce ne fut pas pris. Un tir équivalent à l'ordre sur le blitz. Le monde s'agroupa autour de la porte. Une fille gisait là à moitié morte. Il s'écriait, l'odeur est vraiment malsaine. Ce mec offre sa merde comme arme chimique à Saddam Hussein. 3h du mat, l'ambiance décline. Le possi affalé tire une drôle de mine. Normal. Quand on carbure au steak de houblon, moi j'ai exterminé un plat de sandwich au saucisson. Soudain le gars de la soirée me dit au revoir, c'était sympa. Je lui dis mec, baisse la tête sinon tu vas casser tes bois. Car il a mis le cul de ta femme dans un très sale état. En décodé tu viens de subir un attentat. Bon, on me fait signe, nous avons débordé à le direct. La moralité de cette histoire, si vous faites une soirée, le groupe IAM, il ne faut pas inviter. Ils font des attentats. C'est un attentat. Ouais d'accord, ouais ok, ouais ouais. Ah les gars, vous déconnez là, franchement. Ah, je vous dis pas la crise, l'appart, les remparts vont bientôt rentrer. Souvent quand tu vas voir un spectacle, on te demande, alors ça va? Écoute bien, si ça va pas là, même si j'ai payé ma place, je me présente pas. Ça va bien? Non, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Le gars me demande si ça va bien, ça va pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Parce qu'il veut y tirer la sauce. Il veut que le spectacle dure 90 minutes, mais en tout et partout, il a écrit pour 35 minutes. Fait qu'il veut que le public parle, que le public réponde, que le public meuble le temps mort ou le lâche, a pas voulu trouver des gags ou que son spectacle n'est pas encore à point. Hein? Et toi, honnête, si tu fais un spectacle de 35 minutes, fais 20 minutes, 30 minutes d'entraque, après ça, tu fais rentrer le monde, puis il t'est fait chanter après, ils s'en sont pas compte, puis tu ouvres le bar, puis tu fais des gratuités là-dessus, puis voyons donc, c'est l'astuce, un show business, pas juste un autobus, c'est une un autobus, mais pas tout le temps, hein, dans un habit de satin, puis quelquefois, ben là, on vous demande l'heure. Il n'y a rien que t'espérer de plus, tu payes ta place, puis hein, pardon, oui, j'espère. Ça ressemble à... Oui, hein, ça ressemble à ça. Oh, ma petite... Ouais. Ben oui. Puis dans ton cas... Dans le petit... Oh, qui régnait sur son... Beau zélé. Oh, la connaît! Excusez-moi si j'ai fait casser, si j'ai fait péter quelques tasses. En cristal. Avez-vous des... Raymond, toi, t'es-tu en cristal? Ah, bon, moi, j'ai rien en cristal. Oh, moi, c'est du plastique, même si le plastique... Hey, ça fait 22 ans que j'ai une coupe en plastique. Plusieurs, là. C'est pas une coupe, là, dans le sens que j'en ai plus... Non, c'est... Genre, j'ai une coupe en plastique. Mais elle dure, ça s'use pas. Hein. Il y avait déjà, il avait été très généreux sur la plasticité de ma coupe. Et puis, hey, j'ai bu du jus là-dedans, j'ai bu de l'eau, j'ai bu de la bière, j'ai bu du vin, j'ai bu du gin, j'ai bu tout bu là, puis ça n'a jamais fondu. Jusqu'au jour où... Ah ben là, jusqu'au jour où Rita, j'ai invité Rita un soir, tu sais, elle avait dit, ah ben, elle m'avait appelé avant, elle dit, écoute-tu Rénal Gagné, puis il rentre Rénaldienne? J'ai dit, ben oui, c'est là, puis ça, c'est, on est presque obligés. C'est une Deloitte. C'est une Deloitte, et ça se vend pas sur le marché noir, ça là, c'est comme son petit coin noir. Non, c'est dans le cortex cérébral. C'est là-dedans, puis ça s'éclaire quand ça veut, puis quand ça peut, puis si on veut. Si on veut pas, ça s'éclaire pas. Si ça nous tente pas, ça s'éclaire pas. Puis si on n'est pas disponible, ça peut s'éclairer quand même. Parce qu'on oublie les petits soucis, les griers au ciboulot, et confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, et, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un... Ah, ça, c'est de l'ancien. Ah, ça, c'est... Hey, ça remonte à mémoire, ça. Ça le monte à la mémoire comme une histoire composée. Quand j'ai vu ma petite Gaétane me dire « Viens-t'en, mon Roger ». Je savais pas comment le prendre, mais j'ai suivi le chemin. Elle était devant et mes jouets de mes mains. J'ai mis ses mains dans son lit, mini, mouli, mani, mani, mouli, mini, mani, mini, mini, mini, mani, mini, mini, mini, mini, mani, mini, mani, mini, mani, mini, mani, mani, mani, mani, mani, mini, mani. C'est le temps que tu commences, toi? Au plus je te paye, aïe, je me rappelle, il y a maintenant beaucoup d'années. Dans les recoins de ma mémoire, je ne puis oublier. Il y a des choses indélébiles qui mutilent, difficiles, épousent ma peau comme un textile. Pile au style des ombres qui se faufilent, ne laissant aucune chance à cette créature de Dieu qui fut tentée par un reptile. S'ouvrir en silence, elle disait ainsi soit-il. Elle était née dans un quartier où vivaient les immigrés, famille nombreuse, difficile d'étudier. Plus d'école, la rue tenait le monde, pas des vols. Je te prie de croire que sa vie n'était pas drôle. Ainsi, peu de temps après, à 17 ans, elle a décidé de se marier. Je demande le respect, et pour ceux qui le veulent, écoutez donc le récit de la vie d'une femme seule. Seule, alors qu'elle voudrait aimer. Seule, alors qu'elle voudrait aimer. Seule, alors qu'elle voudrait aimer. d'un garçon. Parlant que d'argent, elle a perdu le second. Elle a un dicton fatal, incontournable. Le destin se déchaîne, elle accoucha du troisième. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il était souvent absent. Elle nourrissait sa famille avec 8 francs. Pourtant, pour ne pas perdre son temps, comblait son manque d'enseignement. Elle étudiait pendant qu'elle s'occupait de la maison, de frotter, de laver. Ses fils qui ne comprenaient pas la regarder se souviennent désormais de l'avoir toujours vu trimer. Elle aspirait au bonheur malgré sa main sur son front empli de sueur, car elle rêvait un jour de partir, de quitter ce trop-plein de déceptions, de mauvais souvenirs. Mais 5 ans auparavant, cette décision fut revue. Elle a compris qu'elle risquait de devenir une femme seule. Ces soirs, elle attendait son mari des heures entières à la fenêtre en vain. Ainsi, cette situation demeura quelques années. Un jour, il va décider à la quitter. Bien comme un accord de divorce fut prononcé. Si longtemps après, putain, ce qu'elle devait aimer. Si douce et si patiente, et encore arrivée à trouver un terrain d'entente. Elle était digne, fière, responsable comme une mère, ignorant la solitude qui l'a pris dans ses serres. Le jour, la tête haute, impassible, elle restait la nuit dans sa chambre. Elle se cachait pour pleurer. Elle travaillait, faisait de job en même temps pour pouvoir payer des vêtements décents à ses enfants, les élever dans le droit chemin, rester calme et sain, respecter son prochain. Le matin, se réveiller sur une musique triste, que de lassitude et que de sacrifice. C'est l'histoire noire qu'il faut croire pour voir le courage et la sagesse rare d'une femme seule. Ses yeux verts résolus à accepter la fatalité qui l'écrasait sous le poids de son importance. Elle disait seulement ne pas avoir eu de chance, mais savait au fond d'elle qu'on ne vient qu'une fois sur terre. Et la malchance est une très mauvaise excuse. L'envers amer qu'elle vivait comparé à sa bonté n'était pas mérité, pour vous dire la vérité. Si bien qu'un jour elle a décidé de s'en aller loin de Marseille pour pouvoir recommencer, laissant derrière elle ce qu'elle aimait le plus, ses deux fils et beaucoup de soucis l'attendaient. Malgré ce, désormais elle est heureuse. Elle a beaucoup d'amis et un mari sérieuse, cependant lucide, en reconnaissant que sa vie n'a vraiment commencé qu'à 35 ans. Cela vous semble bête, mais songez-y. Perdez votre jeunesse, où est le sens de la vie? Si je vous parle de cette manière sincère, ouverte, c'est que cette femme seule était ma mère. Réal, Réal Grenier, animateur de Rance Renaldienne. Je sais pas, il est parti hier, puis il m'a dit, ah, ben écoute, prends le flambeau et ne te brûle pas. Et puis moi, ben, je me suis brûlé, puis je l'ai quand même pris. Non, mais moi, je suis fait en cendres. Fait que même si ça brûle, hein, ça passe de lui, comme on dit. De lui. On y va? On y va. Raymond, on y va? Mets du son, Raymond. Moi, tu changes, moi, Raymond. Emmanuel est arrivé, là. Emmanuel. Parce que c'est sûr que si tu dis Emmanuel, ça peut être Emmanuel, mais nous, c'est Emmanuel. Non, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est notre Emmanuel. D'errance grenadienne. Emmanuel, là, s'il te plaît, prends le micro. Prends le micro. Non, c'est moi qui prends le micro d'un. C'est qui l'artiste? Non, je ne le fais pas. Mais prends le micro. Voyons donc, lâche le micro, puis prends la console. OK, je te console après, mais prends-la, puis moi te consoler, OK? Emmanuel? Oui, je sais, mais c'est la nouvelle. On a, non, on a, nous autres, là, il n'y a pas de problème. On a 6 chaînes. Ou 6 canaux, on appelle ça canaux en anglais, mais nous, c'est des chaînes. Mais ils sont, hey, elles sont loin d'être rouillées. Ah, mon doux. J'ai mis là-dessus mon micro, hein, ce que tu entends, là, gars. Roger, 1, 2, 3. J'ai mis aussi la clarinette de Louisiane Dussault. Oui, au Conservatoire d'art. Et voilà. Oui, elle n'est pas là. Non, non, non, mais le micro est préparé. Veux-tu vérifier? OK? Ouais, ça, c'est pas de la clarinette, là, mais OK. Et puis, tout le reste. Fait que, ouvre juste la 2 puis la 7. La 2 et la 7. 2, OK, c'est 1 plus 1. Puis la 7, c'est 5 plus 2. Mais pas. Ouvre pas la 5 puis la 2, là, parce que ça fait 7, je le sais, mais c'est pas celle-là qu'on va entendre. C'est 2 chaînes. Pour rouiller. Parfait, t'es la meilleure. T'es, elle a étudié dans les grandes écoles, elle a là. Ah, elle nous revient de Munich. Elle a fait Paris, Berlin, Munich. Il y a un problème. C'est toi le problème, mon espèce de camarade qui sait tout, là. C'est le camarade qui sait tout, mais qui en crème partout. C'est le camarade qui sait tout, mais qui en crème partout. La connaissance, là, quand t'en as pas beaucoup, tu l'étales. Mais on en connaît-tu, hein? Je sais pas si... moi, je fais du bénévolat. Ah oui, j'apprends à tricoter, mais j'ai jamais su tricoter. Tu peux apprendre sans savoir. Hey, les gens, tu sais, comment tu les appelles? Les preachers, tu sais, les gens qui racontent la bonne nouvelle, là. Hey, moi, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Ah oui, oui, le papier hygiénique est en spécial. Chez SOS Papier Hygiénique Transversal. Sur la rue Dolitter à Québec, près de Vanier, vous prenez la 17 et vous tournez sur la 12. Il n'y a pas de supplémentaire et il n'y a pas de complémentaire. Et si vous ne trouvez pas, prenez votre GPS à l'aise. Comment? GPS à limonée. C'est GPS, hein? Et dis-lui, amène-moi le... Non, il ne te l'amènera pas. Mais il va te diriger vers le papier cul moins cher. C'est important de ne pas payer trop pour cette affaire-là, là. Parce que sinon, ça amène d'autres problèmes. Plus de consommation de papier cul. Puis le papier hygiénique, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment hygiénique? Quand tu l'achètes, puis il y a un petit trou là, dans le plastique, il n'est plus hygiénique. L'hygiène a passé par là, là. Comme disait Enrico Macias, le régime est passé par là. Puis quand ça passe par là, puis tu payes pour pas que ça passe par là, tu penses, tu te dis dans ta tête, là, mais ça me suis fait avoir. Au même titre que quand tu as dit oui à ta femme, « Moi, je me suis fait avoir. » Quand tu as eu un enfant avec elle, parce que tu dis, elle t'a dit qu'elle aimerait ça en avoir un, puis toi aussi, à un moment donné, tu t'es dit, « Ben écoute, tu t'es fait un 9 mois pour préparer le mental. » Puis là, tu l'aimes, cet enfant-là. « Oh mon Dieu! » Puis là, tu arrives avec, « Il me semble que tu l'aimes plus que moi. » Puis c'est elle qui l'a décidé de l'avoir, là. Pas toi, là. Toi, t'as pas le... hein? Tu n'es que l'insémination. Oui, t'insémines. T'insémines que. Ah, je savais pas, là. Mais. Moi, ça n'a rien à voir, là, la carte de bingo de la semaine dernière. Comment ça, j'ai pas simulé que j'avais gagné. J'ai pas brisé le spectacle. En plus, hey, depuis quoi, 12 ans, on peut même plus fumer d'un bingo. Le plus grand plaisir, c'est quoi? C'est de manger son roteux, hein, son chien chaud, son hot dog, sans Elvis Presley. Oh non, oh non, oh non, il n'y a pas de hot dog avec. Ah non, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ah non, on n'a plus moyen. Et puis, moi, c'est ketchup. Je sais que la plupart vont dire, oh, tu trahis ton hot dog parce que normalement c'est reluche moutarde. Lâche-moi la reluche pour la moutarde. Il n'y a rien plus merdique que de la reluche pour de la moutarde. Qu'est-ce que tu veux mettre à part? OK. Dans les burgers, mais dans la vie de tous les jours, que peux-tu faire avec ces deux ingrédients-là en même temps, reluche moutarde? Si tu es enceinte, manger ça à cuillère, ben oui, mais à part de ça,

sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi, c'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper, le paradis. Le sachet blanc. Le sachet blanc. Le sachet blanc. J'ai dû me tromper, le paradis. Attention à tous. Je viens d'apprendre que le pétanque, c'est le onzième sport. Là, tu dis pas les lettres un peu. Elle est partie. Reviens, va-t'en, comme la chanson de Bachung. Le mini est un jeu de boules dérivé du jeu provençal. C'est le onzième sport en France par le nombre de licenciés. Ouais, mais moi, quand j'ai été licencié, j'étais pas le 11e, moi, là. Licencié, c'est qui, ça, licencié? Et puis là, si je clique, comme on dit dans le milieu informatique, sur... voyons donc, sur quoi j'ai cliqué tantôt? J'ai cliqué sur décliquage, non, sur sport en France. Le sport en France, ils vont peut-être en dire la nomenclature, là, si c'est le 11e, on va savoir c'est quoi les autres sports. Mais c'est pas indiqué, c'est tellement long. Ah mon Dieu, c'est long et pénible et long. Long et pénible, c'est quand... C'est quand Georgette vient dans ma chambre. Ah voilà! Non, fédération de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Hein, c'est pas de bon sens. Licence sportive. Ils disent le 11e, bien 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si je lis le 11e, c'est Fédération française de la gymnastique. La pétanque, il n'y a même pas là-dedans. C'est, qu'est-ce qu'ils ont dit? Fédération française du football. Ça, c'est le premier. Fédération française du tennis. Bon, ça, c'est le deuxième. Fédération française d'équitation. Du basketball. Du judo. Judo comment? Judo, je vois rien. Judo Justus. Et discipline associée, en tout cas. Fédération française de handball, golf, natation, rugby, athlétisme, gymnastique, voile, tir. Voyons donc, la pétanque n'est pas le 11e. Ils sont complètement déglingués. Et où la pétanque là-dedans? Tennis, cyclisme. Voyons donc, même pas lancer nomenclature-là. La boxe, voyons, ouais, peut-être à la fin, là. Fédération, je sais pas, excusez-moi infiniment, là. Je lis ce que Wiclip, on demande à Wiclipédia d'être ici, s'il vous plaît. Wiclip, as-tu perdu la page? Ah, moi, j'ai perdu la page, j'ai perdu le nord. Ah, moi, le nord, c'est vers le sud. Mais si vous savez pas, là, vous savez, non, vous savez pas. Mais non, c'est sûr, je vous ai dit, vous savez pas. Quand on le sait pas. James Francis. On va de haut en bas, là. Ça veut dire dans l'imaginaire. Au beau soleil, ça, il l'a écrit. Au beau soleil qui sonnait des pauvres femmes au seuil d'une maison pauvre comme... C'est là qu'après ça, on peut aller dans l'improvisation, OK? Alors, au beau soleil, ça, c'est un texte de Francis James. C'est une œuvre poétique, donc ça sera peut-être pas poétique, on verra. Au beau soleil, OK, ça finit par maison pauvre, après ça on improvise, comme, OK, maison pauvre comme. Comme j'ai toujours. Au beau soleil qui sonnait de pauvres femmes au seuil d'une maison pauvre, comme une gomme au milieu d'une bouche qui ne cherche qu'à buller et à fabuler pour faire péter. Non pas la balloune, parce que si tu fais péter la balloune puis t'es en voiture, t'es dans une situation un peu précaire. Quand on dit précaire, on dit pas macaire. Parce que quelle famille n'est pas là pour te venir en aide? Faut avoir des liens, là. Quelle famille? Émission télévisuelle à Québec, au Québec, écrite par une femme qui s'appelle, avec un grand A, oui, elle a 99 ans. Et qui s'appelle? L'autre Jeannine Tuteau. Voyons donc, Jeannine Tuteau. Mais non. Celle qui a ouvert l'esprit du peuple québécois, elle s'appelle? Pauline Julien, t'as presque... Oui, Pauline Julien aussi, mais elle est morte, malheureusement. J'allais dire être encore morte. Oui, elle est morte. Mais non, elle n'est pas encore morte. La musique fait en sorte qu'elle est toujours vivante. Les vidéos, les DVD, tout ça. Mais comment s'appelle la femme? Quelle famille? Macaire. Elle a fait aussi Grand-papa. Elle a écrit le téléroman Grand-papa que j'ai adoré. Oui, on la voit quelquefois s'exprimer. Mais voyons donc! Où est votre souvenance québécoise, vous? Arrête de parler de Jeannine Tuteau. Non, non, non, elle est incroyable. Elle a joué dans Symphorien. Ben oui, elle faisait la vieille fille. Ah, oh, ben, il y a peut-être... Puis l'autre, il y en a qui soufflent, hein? On les a entendus. Je sais c'est qui, moi? 99 ans, voyons donc. Elle a fait un fichier, un grand A. Ben oui, un grand A, oui, oui, oui. Avec un grand A. Pas un grand G, malheureusement, là, mais voyons donc. Avec un grand A. Oui. Madame Bertrand. Qui, Madame Bertrand? Ben, mais elle a un nom. C'est pas. Robert Charlebois a chanté. Madame Bertrand, je suis un garçon de 42 ans. Talentant, Bertrand. Oui. Là, tu me déçois, là. Ta connaissance générale vient de vaciller. Hey, si je dis ça à Jeannette, tu vas en manger oui, toute une. Jeannette Bertrand. Puis je tiens à te dire, là, pour les fans, un scoop, ça fait à peu près 2 semaines, Jeannette Bertrand lance un balado à 99 ans. Allez voir sur Radio-Canada. On en dit plus. Vous pourrez l'entendre. C'est pas parce qu'elle a 99 ans qu'elle lance un balado. Parce qu'on s'imagine que hey, les gens... Moi, ça me fait halluciner, ça. Tu atteins un âge, tu dis plus rien, là. Tu manges ta jello et t'attends de mourir. Ah non, là, t'es entouré des tiens, là. Pas des siens, mais des tiens. Des gens de la même génération. T'as bien du plaisir, tu joues aux cartes. Ah oui. Il y a quelques intellectuels, comme Jean Dormesson, l'incontournable Jean Dormesson, puis Jeannette Bertrand, qui se déclasse de tout ça et nous propose une autre avenue. C'est-à-dire que toi, qui as peut-être à peu près 70 ans, il te reste plusieurs années, à chercher ce même chemin-là. De ne pas tomber dans le conformisme. De dire, hey, je suis vivant, donc je réfléchis encore. J'ai des idées. Puis je vais en témoigner devant mes semblables. Pourquoi me taire? Je ne suis pas un radoteux à 99. J'en connais, moi, Rénal Gagné, c'est un radoteux, ça. Il a quel âge, lui? Il a 27. Il va avoir. Ouais, il a 27, il va avoir 43, hein, bientôt. C'en est-tu un, il radote le temps passé? C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph. Il la connaît, il l'aime. Ben oui, mais il aime du monde, il aime des chansons, il aime des thèmes, le spaghetti, il aime bien des affaires. Mais c'est son univers. Jeannette a son univers aussi. Il ne se compare pas à Jeannette, là. Il est loin de se comparer à Jeannette. Il y a combien d'années de différence? On s'en fout-tu des années? On parle toujours de l'âge, hein? C'est fou, l'âge. Arrêtons-nous. On pourrait tellement être heureux sans se soucier des années. Hey, moi, je ne vais pas rencontrer mon père, moi, là. T'as quel âge? Moi, j'en ai 45. Mais, ben, je ne vais pas rencontrer un gars de 60 ans, moi, là. Mon père, c'est mon père. C'est... Non, je ne suis pas ton père, moi, là. Je suis loin d'être ton père. Je suis un être humain. Un garçon. Toi, t'es une fille à la recherche de quelqu'un pour enjoliver ta vie, pour vivre autre chose, pour vivre des expériences. C'est pas une question d'âge. Écoute bien. Si t'es si jeune que ça, là, t'as-tu l'esprit aussi développé pour ton âge? Non, je pense qu'on mêle les affaires. Hein? On mêle bien des trucs. Faudrait peut-être oublier tout ça. Pas les embarras familiaux. Non, on revient toujours, hein? Non, mais vive, parce que tu connais quelqu'un, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as une vibration devant quelqu'un. Puis, oui, voyons donc, moi j'en ai 35. Lui, il y en a 52, hein, manteau. Mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, c'est toi puis lui. Les autres, tu t'en balances. Si t'es heureux, si t'es heureux. Si, même... Hey. OK, moi, très... Mon ami Holios. Holios Gagnon. Ben oui, c'est comme ça, Holios Gagnon. Hey, il a 32 ans. Il a rencontré Sébeka Tremblay. Hey! Je l'avais jamais vu, elle, hein? Femme intelligente, 54 ans. Il est en amour. Puis là, il ne sait pas comment annoncer ça à ses parents. Puis là, il s'attend. Ben oui, c'est une cougar. C'est quoi cette histoire-là du cougar? Hey! Mais moi, papa, là, c'est bien dommage, là. Je suis amoureux. Je dois être un âne. Parce que je l'aime, puis je la lâcherai pas. T'as connais pas, puis tu la juges juste sur son âge. L'âge n'a pas d'importance du... Attends un peu, ça, c'est là que ça commence, là. Du moment où t'es majeur. C'est 21 ans aux États-Unis, c'est 18 ans au Québec. Bon. Ailleurs, faut respecter. Mais si t'es majeur, puis t'aimes, peu importe l'âge, vas-y. T'as juste une vie, tu peux te priver de bien des affaires. Hey, voyons donc, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis des affaires qui... Qui doit se dire? Oh, ça doit se dire. Ah, voyons donc. Surtout un lundi, là. Hey, mon Dieu, ça rend dur. Hein? Attends un peu, toi, y'a rien de... Monsieur Festivité et Ayam, c'est rare qu'ils sont dans la festivité, eux autres. Ils sont dans le message. Puis j'ai rien contre les messages. Ça nous a fait plaisir d'entendre tout ça. Mais, ben c'est ça. Je voulais juste les arrêter pour commencer. Ah, c'est bon, hein? Mais... Pourquoi s'arrêter à l'âge? T'as quel âge, toi? J'ai l'âge de mes rêves. Tout droit de la pyramide, une nouvelle analyse de celle que l'on apprécie, basée sur la bêtise. Je me rappelle 4 ans en arrière, tout le monde s'est passionné pour les routières. Les Texans, le Lévis étaient de rigueur. Les Ray-Bans sur le nez et les gros bombeurs. Barbe de 3 jours à la George Michael. Le casque au bras pour ne pas cacher la belle gueule. Tout allait bien, les filles aimaient ça. Oui mais voilà, un beau jour Mickey arriva. Est-ce une passion ou un luxe? Est-ce un must ton cycle autofusque? Oui. Parle-moi, vas-y, n'aie pas peur, dis-moi. C'est le temps pour la drague, je le savais déjà. Tu l'as voulu, maintenant tu pleures ta thune. Parce que ce crâne de Mickey Rourke en a une. Le bandana est un option. Super de grisement de pneus. Aussi tu perds de mon estime. Là, tu dépasses les bornes. Tu as de l'allure à part tes cornes. Quel spectacle. Je ne peux plus voir. Sexe féminin adore l'ivresse. Le vrombissement du moteur, la vitesse. À l'avant au bon monde et derrière accroché dans ton dos. Aime-t-elle ta personne ou bien ta moto? Sans qu'un aille avec des racaillons plein de chaîne. Étudiant la semaine, biker le week-end. Même si ton humour dans la nièce réglisse. Sans t'appels en tipatane entre les cuisses. Lorsqu'elle te largue déçue, tu t'aperçois que le siège en cuir les a plus touchés que toi. Ouais, pourquoi tu as changé tes opinions? Parce que sinon tu étais bon pour la masturbation. Du coup tu portes des gilets en cuir et des foulards. De Anna Davidson et Malmoroman. Tu joues les durs et les vrais rebelles. Tu te dis que tu vas te faire les plus belles. Ton fantasme bien sûr c'est Daytona Beach. Alors tu tripes sur le highway de la corniche. T-shirt blanc, lunettes noires, les cheveux au vent. Pas de casque et vlog, bébé dans les dents. C'est vrai, ça fait brancher de bord de la Del Scott. De jouer à la horde sauvage avec tes potes. Années 60, les chaussures et le froc. Dis-moi, tu mets aussi les slips qu'ils avaient à l'époque. Alors on se sent fort avec du cuir sur le citron. Avec des bottes carrées, on se prend pour Marlon. On fait le révolté contre la société. On fait des défilés de fringues. blagues sur la rue Saint-Fée. Le style loupard, y'a pas à agir, ça jette. Faut pas faire chier bébé quand il répare sa pétrolette. Tu vois la méchance, ça attire les minettes. Mais tu vis encore chez maman, petite jeunette. Tu n'es pas easy, plutôt pas le rider en personne. T'es Léa Davidson. À te voir primé sur la route, on se demande si le casque sert à protéger le coude. Lunettes de soleil en pleine nuit, tu m'étonnes quand tu ne vois plus personne. Harley Davidson, bonne bourre. Non, je ne suis pas jaloux, mais j'en ai assez de lait qui au point morfond. Qui pourrait te brancher, alimente le pétologue classique sur leur meuf, fais un zoom. Mad Max, le trip aventure, tu écoutes, mais tu es mout. Un petit moine de la route. Arrête, arrête, moucharte, tu m'as saoulé. Motard pour l'année, intermittent de la Harley. Je ne peux plus voir personne en Harley Davidson. Les laisses la jouent trop homme en Harley Davidson. Je ne peux plus voir personne en Harley Davidson. Aujourd'hui, Lucille Deniseau, auteure, compositrice, interprète, une femme de cœur, une guitariste hors pair. Alors voici mon amie, Lucille Deniseau. Il y a un choix, il y a un choix incroyable, incroyable de produits dans les rayons, je les garde jusqu'à la nuit. De chocolat, la gondole, la belle. Viens par ici. Il y a en moi un immense ennui. Et sans raison, mon ventre n'aime pas les fruits. Mon estomac fait des crises de vide, avide, de boulimie. Au carrefour, je regagne ma chaîne. Il y a des bleus, des personnes, dedans. Le sucre, le citron, dans mon esprit, elle se dort. ma chanson. Il y a une clairière sans néon, une forêt de grands arbres sans champion, Comment ça va? Ça va bien? Oui. Excellent. Alors, on s'est vu, on se connaît pas. Bon, on se connaît maintenant. Voilà. Et voilà. On connaît Marc Cavel. Ah oui? Ben oui, voilà. Ah que oui. Ben oui, moi aussi. Ah oui, oui. Je le connais depuis une bonne dizaine d'années. Ah ouais, ouais. Et je le rencontre assez régulièrement, sauf cette année. Ah bon, pourquoi? Ben parce que je dois rencontrer tout le monde et je veux aussi faire des rencontres avec des nouveaux artistes. Hein? C'est beau, assez. Ça, on les appelle des chattes. Parce que, en fait, ça a été nommé par une chanteuse qui reste ici à Montmartre. Ouais. Julia Palombe. D'accord. Il y a 10 ans, elle m'a dit. Mais c'est des micros, en fait. Oui, c'est des micros. En fait, c'est des housses. Ah, voilà. Ah, ouais, c'est pour enregistrer. Ben non, c'est pour que le vent. Là, il est déjà branché ou ben pas? Ben oui. On perd absolument rien. Tout est bon dans la rencontre. Donc, mais Marc Cavé, parce que je l'ai rencontré l'année dernière et j'essaye de faire des nouveautés. Ouais. Et aussi de rencontrer d'autres artistes que j'ai déjà suivis. Oui. Voilà. Oui, oui. J'ai vu que tu avais rencontré plein d'amis, de copains, d'amis. Oui, ben oui, c'est un cercle. De connaissances, oui. Le chanteur cheval l'année dernière. Oui, voilà. Oui. Marc Cavé, là, il y a Sarah Jeanne Ziegler, déjà partagé un concert avec elle. Tout vu ça. Ouais. Après, bon, il y en a qui sont plus ou moins actifs au niveau de la scène. Ouais. Moi, je suis pas trop active, je dois dire. Hein. Ok, t'es discrète. Ah oui, vraiment. Pourquoi? Disons que je fais des chansons, j'écris, je fais des musiques, je fais tout. Ouais. Je m'accompagne à la guitare le mieux que je peux. Ouais. Mais c'est vrai que la scène, c'est encore un peu en évolution, on va dire. Okay. Tu fais du studio, mais pas de spectacle. Le studio, alors moi, j'ai pas fait d'album. Hein. Okay. Je sais pas si c'était une condition pour que Mais tu as quand même des chansons à proposer pour la radio. Alors, j'ai des chansons sur YouTube. Parfait. Voilà. OK, t'as pas de point wave, t'as juste des MP3 Voilà. OK, c'est si ça. Tu veux chercher, c'est pas grave. C'est ça, c'est okay. Mais j'ai peut-être des versions cachées dans mon ordinateur audio oui, okay, oui voilà. La petite magie comme ça. Mais on s'en reparlera, puis ce sera sur WeTransfer avec mon courriel. Ah, ben super. Donc, au pire, j'irai voir sur YouTube. Le son, ce que j'ai entendu, le son était très bon. Parce que ça a été fabriqué entre guillemets avec mon prof de guitare qui m'a accompagné sur scène au début, voilà, et avec un zoom l'appareil là, le zoom. En est un. Alors voilà, je vais te le montrer la version adulte du zoom. Oui, mais ça c'est la version bébé. Ouais, mais exactement. Très puissante aussi. Oui, voilà. Mais ouais. Le 4 c'est un peu plus gros, c'est à peu près 3 fois comme ça. Oui, et moi j'ai les deux deux micros. Aussi. Ah voilà. Je vais te le montrer tout à l'heure. Okay. Mais soit toi tu as la version mais j'ai aussi des Tascam. Bon, ouais. C'est ça. J'ai aussi des Tascam. D'accord. Je sais pas si c'est au niveau sonore, j'ai eu des retours on va dire, il y a des gens puristes qui m'ont dit clairement si tu fais un album ou que tu veux, faudra refaire ça proprement en studio, avec des instruments. Bah, voilà. Mais c'est prévu, mais je suis sur plein de choses, alors voilà. Okay. Donc je prends mon temps aussi. Hein. Okay. Mais j'ai beaucoup de chansons quand même. Hein. Je fais beaucoup de chansons. Voilà. Mais je suis une créatrice de chansons assez. Et t'en proposes pour d'autres? Alors, je voudrais, personnellement, moi, à la limite, si je trouvais une jeune artiste qui veut faire de la scène et qui aime bien, aimerait mes textes, mon univers, enfin, disons, ce que je raconte à travers mes chansons, je ne sais pas si j'ai un univers, mais bon, certaines de mes chansons, en tout cas, je serais tout à fait d'accord pour qu'elle les chante. Okay. Je ne sais pas si toi, dans ton travail, tu fais un peu le rôle de... L'entremetteur. Un peu, ouais. Ben oui, pourquoi pas, oui, il y a des gens qui se sont rencontrés grâce à mon émission, oui. Voilà, dans, c'est ça. Dans l'art dramatique, voilà, dans la voilà. chanson. Eh ben dans la chanson, donc voilà. Parce Est-ce que tu bon... connais Pierre Fa? Pierre? Pierre Fa, F-A-A. Voilà. C'est peut-être il... quelqu'un. Ah ben, ouais. non, je le connais pas, j'irai écouter. Ouais. J'irai écouter. Il y a fait un groupe qui s'appelle Pépé en Rose. Mais du coup, ils cherchent des... Ils cherchent des collaborations. Ils cherchent absolument rien. Ouais. Ils cherchent rien. Ils cherchent rien, mais quelquefois... Mais il est prêt à tout. Ouais, mais oui, il n'y a aucune attente. J'ai rencontré une artiste aujourd'hui qui m'a été proposée par Pierre Fa, ouais. qui vient du Pays-Bas. Qui s'appelle... Bon, j'ai un blanc. Je sais son nom, c'est Merlot. Son prénom, c'est... Ben, je sens qu'il y a plus. Tess Merlot. Ouais. T-E-2-S Merlot. Ouais, une jeune... Ben, donc, elle a 33 ans. Ouais, enfin, plus jeune voilà. que moi, largement. Ben, ouais, mais l'âge n'a pas d'importance. Nous, on est de la même génération. Ben, moi, je suis né en 64. Ben, on est à peu près pareil. Ah, voilà. Un chouïa. Donc, non, mais l'âge n'a pas d'importance. Marc Avey aussi, il a, pas juste lui, il a une longue carrière aussi derrière. Oui, mais il est architecte aussi, mais c'est pas oui. le travail. Oui, ben, c'est-à-dire que voilà, moi je travaille aussi à côté. Donc. C'est comme ça que l'horaire. Oui. Oui, il me dit quelque chose aussi, mais je le connais pas. Non, mais Non, mais il y en a. Il est quand même très connu, ça. Eh ben oui, non mais je connais deux noms, mais je ne suis jamais allée écouter. Alors moi, il faut dire que ça fait que 10 ans hein, que je suis dans ce domaine. Avant, j'étais dans les arts plastiques. Je faisais des sculptures, de la peinture, des ateliers d'art. Voilà, je suis venue à la chanson très tard. Hein. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Une blessure. Ah oui, ok. Le cœur ou une blessure physique? Une blessure à l'épaule. Ah ok, physique, d'accord. Physique. Ça peut être une blessure du cœur, une blessure... Alors disons, bon, j'écris des textes de chansons depuis l'adolescence, je voulais jouer de la guitare depuis l'adolescence, tout ça c'est resté dans les oubliettes. Okay. Et puis une blessure à l'épaule suite à un projet artistique où j'ai taillé du bois très intensément. Okay. Je me suis dit les arts plastiques c'est bon, j'arrête. Okay. Ah oui. J'ai passé l'âge, la sculpture c'est trop, voilà, enfin je sais pas, j'étais vraiment... Saturé. J'avais une tendinite quand même. Okay, ah oui, à force de répéter. Ouais, mais les caissières ont le même problème. Les caissières, à force de passer des Eh ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ça devait être ça. Sans le savoir, je faisais le même geste que la caissière. Et du coup, ouais, je sais, c'est les troubles musculo-squelettiques, TMS. Exactement. C'est la répétition du même mouvement. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, mes textes de chansons, voilà, je vais aller regarder ça de nouveau. Et puis voilà. Et puis après, ben, j'ai commencé à faire des chansons pendant, je sais pas, 4-5 ans. Et puis après, je suis rentrée dans les ateliers d'écriture de Claude Lemel depuis 5 ans. Voilà. Mais ça t'a pas intéressé de faire un disque? Alors c'est en projet. Dans la chanson, ce que tu veux, c'est d'avoir la carte de visite. Si t'as pas de carte de visite, comment tu peux... Alors moi déjà, vu que je suis arrivée tard dans la chanson, ça fait quand même 10 ans. Cette idée de faire carrière, entre guillemets, ou d'être intermittent du spectacle. Donc c'est pour ça aujourd'hui dans ton interview, je vais être un peu un cas un peu à part. Il y en a plusieurs qui s'imaginent ça. S'imaginer être à part, mais non, c'est... Non, mais ce que je vois, c'est que quand même, les garances, Lily Lucas, des jeunes femmes, 35, 40 ans, elles sont intermittentes, elles font que ça, elles sont... Sarah-Jeanne Ziegler aussi, qui... J'en connais qui ont un travail, mais à côté. Oui. Donc, qui n'arrivent pas, qui travaillent dans une boutique, j'en ai plein. Ah oui. Ouais. Ah oui. Alors moi, j'utilise quand même la musique dans mon travail, parce que je suis art-thérapeute. Okay, et j'utilise la chanson en art-thérapie, musicothérapie. Tu prends tes chansons? Non. Justement. Parce que les gens, je ne parle pas de mes chansons. Okay. Ils me demandent des titres connus, quoi. Ils veulent chanter des chansons qu'ils aiment. Et après, voilà, peut-être qu'ils aimeraient certaines de mes chansons. Mais non, ils me demandent, voilà, du Claude François. C'est des personnes... en détresse quand même, ouais. Psychologique, hein. Ouais. Donc on est là pour s'évader et... Passer du bon moment, puis oublier... Passer un bon moment et puis aussi progresser dans plein de choses, dans plein de domaines. Donc mes chansons, voilà, donc je me dis, ben, un album, oui, j'aimerais beaucoup, un ou deux. J'ai de quoi faire 5 albums, hein, ouais. Clairement. Après, il faut que ce soit que 5 albums de très bonnes chansons, c'est ça la difficulté. C'est pas le tout de mettre plein. Juste un, c'est pas mal. Déjà, un, ça sera super. Avec un, tu prends les florilèges depuis 10 ans. Et... C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis tu fais comme Marc Avet. Les meilleurs. Les meilleurs, oui. Et tu fais comme Marc Avet, t'as pas besoin d'avoir un studio, tu fais ça piano-voix et c'est terminé. Marc Avet, c'est ce qu'il fait, lui. Il n'attend pas après l'argent. Lui, il se fait filmer pendant les concerts. Ah, mais non, là, je te parle. Ah non, les albums, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est ça. Oui. Donc... oui, mais il a beaucoup d'albums aussi en public, je crois. Non, mais il n'a pas fait ça. C'est juste ça, on est d'accord. C'est juste ça. Ouais. Donc, tu pourrais faire la même chose, ça coûte 3 fois rien. Je répète avec lui lundi. OK, ben tu lui en parleras. Je vais me faire engueuler encore. Ouais, bon. Il y a des jours où je me sens enfermée dans un carcan, esclave du présent. Briser le plafond de verre, danser au sabbat des sorcières, mon rêve récurrent. Et casser mon bocal, quitter ma peau de poisson rouge, sortir des rochers de polystyrène, enfiler mon costume de sirène, bouger. Je suffoque dans mon évier. Et des nuits où l'asphyxie diminue et je brandis l'audace en effigie. Enfoncer les murs, les portes avec les requins. Sans escorte, c'est juré, c'est promis. Et casser mon bocal, jeter ma peau de poisson rouge, ne plus me contenter de faire des bulles. Écoutez ce que j'ai dans les globules. Bouger. Je m'étiole sur le palier. Et casser mon bocal. Pour être un peu plus au large, nager dans les eaux sauvages, franchir les plus hauts barrages, renverser l'aquarium, oser monter sur le podium. Ouais, il t'engueule, t'es pas... Non, parce que il aime prendre des gens sous son aile. Oui. Il a pris Nicolas Duclos à l'époque. Ben oui. Et d'ailleurs, j'ai fait un duo avec Nicolas Duclos là, ouais, il y a pas très longtemps. C'était ouais, il y a la photo. Ouais, piano, c'est... il est au piano. On a fait une chanson d'Anne Sylvestre. Nicolas Duclos est au piano. Ouais, c'est ça. Et c'était pas une chanson facile, Bergère, hein, d'Anne Sylvestre. Bergère, ouais. Elle est. Ouais. Mais ça va, je m'en suis quand même sortie pas si mal, je trouve. Et puis on a passé un bon moment. Quoi. Ouais. Et puis j'ai fait un autre duo avec Marc Avet parce qu'il me demande tout le temps de faire un duo où je dois jouer les hôtesses de l'air. Bon. Okay. Et puis là, lundi, on répète sur 3 de mes chansons. Okay. Il y en a une qu'il aime beaucoup, qui n'est pas du tout sur YouTube ni rien, qui s'appelle La Rumba des Marteaux Piqueurs, okay. Qui est une histoire de couple qui a un petit moment coquin l'après-midi sur au rythme des travaux dans la rue. Ah oui, ok, le marteau piqueur donne l'idée au mec. Oui, donne pas seulement l'idée, donne l'élan. Voilà. Et alors Marc Avet, il adore cette chanson. Ok, parce que c'est un peu grivois. Eh oui, voilà, c'est un peu légèrement coquin. Voilà, mais soft. ça n'a rien à voir avec les chansons de Colette là, qui sont un peu plus... Non, voilà. Là, c'est plus, vraiment beaucoup plus. Ouais. Okay. Moi, c'est soft. Et puis aussi, je parle de tous ces travaux à Paris. Là, on en a marre, on est saoulés. Donc voilà, et ça va être sympa. Et oui, donc, je sais pas, il accepte de m'accompagner au piano, ce qui est rare quand même, parce que... Il accompagne pas beaucoup de gens. Quoi. J'en parlais, peut-être que je vais lui demander d'enregistrer les trois chansons. Et comme ça, je vais les avoir. Mais ça serait top. Alors, on répète lundi, mais ça sera chez lui. Et puis après, c'est pour la fête du 13, mais tu seras parti. Non, mais il va pouvoir l'enregistrer le lundi. Ah, peut-être. Ben oui. Ouais. Mais tu seras plus là, toi. Tu seras toujours là le 13 juillet ou pas? Pas du tout, mais il va me l'envoyer par courrier. Ah, d'accord, Étienne. Ah, oui. D'accord. Ouais. OK. Alors, d'accord, on va essayer d'enregistrer ça. Je vais m'en occuper. OK. Mais il ne faut pas que je fasse de quoi que ni rien. Ben non, mais quand tu pratiques, tu peux la reprendre pour une fois qu'elle sera réussie. Ouais. Non, mais avec Marc, ça devrait le faire, là. Et puis les deux autres, eh ben, on va déterminer ce que ce sera, mais c'est des nouvelles, quoi. OK. Elles sont pas... OK, t'as pas fini l'écriture? Si, elles sont terminées, okay. Mais il faut qu'on les répète, et puis... Mais toi, tu sais déjà la mélodie, tu connais les paroles. Ah oui, elles sont faites, elles sont faites. Alors lui, il a juste à... Il va les découvrir. À toucher le piano, tu vas lui dire à peu près quelle musique que tu entrevois. Ouais. Lui, il se met au piano et tu pars à chanter. Ouais. C'est ça, la magie. C'est ça. Et ça s'appelle le magique, c'est pas pour rien. C'est ça. Ouais. Et je pense à... Est-ce que t'es au Québec? Oui. Vous connaissez le verbe yoyoter? Yoyoter, non. C'est un verbe qu'on n'utilise plus trop en français, je sais pas comment on dit. Hein. Traditionnel. Mais du coup, avec Marc, on a fait aussi un duo qui s'appelle Tu yoyotes. Okay. Et alors là, on a fait un tabac, un haut connétable, ça a bien marché. C'est une belle ça. Et du coup, ça serait marrant que... Et qu'est-ce que ça veut dire, yoyoter? Ça veut dire perdre la boule. Ah oui, ok, comme le yo-yo. Oui, déconner, quoi. Ah ouais, okay, déconner. Être un peu à côté de ses pompes. Oui, mais c'est pas violent, c'est plutôt quelque chose de vaporeux. Il n'y a rien de cliniquement... Ça peut être un début d'Alzheimer, à surveiller, quoi. Okay, mais okay, bon, okay. C'est, voilà. Donc, de temps en temps, comme ça, voilà, je fais des petites choses. Mais après l'album, oui, peut-être, je commencerai l'année prochaine, peut-être. Ouais. Voilà, ouais. Alors, tu veux t'entourer. Tu veux commencer à te faire un clan. Un clan, bah, j'ai mon prof de guitare avec lequel je suis restée en contact. Un clan, il y a Marc bien sûr, mais non, je ne suis pas forcément très entourée par plein de... J'ai des amis dans la chanson, Henri Lequien, des gens comme ça, mais... À travers lui, tu peux connaître d'autres personnes. Mon éléphant, ouais. C'est des copains avec lequel j'ai partagé des scènes. Bah, en même temps, si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé de... Faire un album, j'adorerais. Mais ça peut être un passe-temps aussi, sans avoir trop d'avenir. Ben oui. Comme les gens se mettent au tricot, toi tu te dégnes à la chanson. Ben, pour l'instant, je l'envisage un peu comme ça, mais c'est vrai que je me dis, j'ai une fille qui chante très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'elle chante mes chansons. Ah, ok. Ça serait mon rêve. Ok. Et j'aimerais beaucoup lui laisser un ou deux albums, mais le rêve c'est qu'elle soit sur l'album et qu'elle chante mes chansons, voilà. Et je la travaille un peu là-dessus, et je pense que voilà, c'est ça que j'ai un peu dans le... Mais après, j'en chanterai aussi moi, ça serait toutes les deux, quoi, voilà. Ben oui. Et j'ai déjà un peu le fil conducteur de mon album quand même, parce que j'écris beaucoup sur les animaux, je sais pas si... Là, il n'y en a pas trop sur YouTube. C'est ton côté de Brigitte Bardot. Ouais, peut-être. Mon côté plutôt La Fontaine. Ah, La Fontaine. Ah oui, ok. Mais parce que Brigitte Bardot, c'est plus rentre dedans. C'est comme le marteau piqueur. Eh ben, il faut, hein, heureusement, hein, ouais. Qu'il y en a des marteaux piqueurs. Oui. Et des Brigitte Bardot. Et des Brigitte Bardot aussi. Ouais, ah oui, carrément. Okay. Ah, moi, je trouve qu'elle a fait énormément pour les animaux. Ouais. Et puis, quelle superbe femme. Hein, donc, franchement, non, elle est magnifique. Okay. Donc voilà, donc sur les animaux, donc ce serait, j'en ai beaucoup sur les animaux et je pense que ça pourrait être sympa. Mais ça ne pourrait pas se transformer en chant, parce que les animaux, c'est certain que ça touche à tout le monde, mais devenir un disque pour enfants? Non, alors j'ai bien sûr, je me suis comme toi posé la question, mais c'est vraiment des chansons pour adultes, mais c'est là où ça serait intéressant. C'est que j'amènerai les adultes à écouter des chansons qui parlent d'animaux, mais comme La Fontaine en fait. La Fontaine, c'était pas pour les enfants, c'était pour les adultes. On étudie ça pour les enfants, mais en fait la morale est assez... Mais la morale, elle est profonde. Et dans mes chansons, c'est pas des nunucheries, enfin encore que pour les enfants c'est pas forcément niais, mais non franchement voilà, donc ça serait ça mon projet. Et j'y crois à ça par contre. Okay. Alors tu veux faire un disque uniquement avec les chansons sur les animaux? Oui, j'ai déjà le loup, okay. Le panda, oui. La tarangale, qui est un mélange de un mix entre la tarentule et la migale. Okay. Ouais. J'ai qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le poisson gouja goujon, ouais. Qui est un mufle poisson, un homme pas très sympa. J'en ai plein en fait. J'ai des insectes, je sais même plus. C'est un peu comme l'aigle noir de Barbara, mais ouais, okay. Sur tout un album, quoi. Okay. Voilà. En fait, elle, c'est un peu l'arche de Noé. l'arche de Lucile. Oui, exactement. Ça pourrait être une vraie pochette. Le concept pourrait être bien comme l'arche pochette. De Lucile, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ça serait bien. L'idée ouais. Est lancée. Tu me donnes une idée. Ouais, l'idée est lancée. Ouais, voilà. Ouais. Juste mon nom en petit ouais. Hein, quand même. On va rester. Idée du titre, bien sûr. Ah, bien sûr. Ben si ouais, non, si je l'appelle humble, comme ça. On va rester humble dans la gloire. Mais toi, quand tu écris, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Alors, déjà, idées et mots. Ah, ouais, d'accord. Non, c'est plutôt. Non, mais alors, c'est les mots qui amènent les idées. Ok. C'est une tournure. Hein. Je pense que c'est les mots. Ouais, c'est les mots. Et après, je me dis, est-ce que l'idée est intéressante à développer, quoi. Mais après, il y a des textes, c'est que les mots. Okay. Il n'y a pas forcément d'idée. Il peut y avoir que des mots derrière, en fait. C'est juste des sonorités, des. Parce que qu'est-ce que tu entends par idée, une thématique pour la chanson? Okay. Ça parle de solitude, ça parle d'amour. Okay. Ça parle alors, de... c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ben écoute, là j'ai écrit une chanson, par exemple j'avais l'expression le dos. Le dos, okay. Toutes les expressions okay, autour du mot dos. Ok, c'est l'idée qui amène le mot. Ah, alors. Ben, ah oui. Bon? Parce que tu prends un mot et tu ne sais pas où ça va t'amener. Gainsbourg, lui, c'était ça. Mais oui, okay, oui, okay. Oui, Gainsbourg, c'était ça. Oui. Bien sûr que c'était mais ça. C'était, lui, c'était pas... C'est les mots d'abord, Gainsbourg, on est d'accord. Oui, ah bah oui, voilà. Mais regarde là, même avec rien sur le dos, pareil à Marlon Brando, tu es beau de dos, tu es beau de dos, affondant ta torpedo, tu cherches un Eldorado, d'ici, t'en as plein le dos, Je fais que des jeux de mots autour du mot dos. Parfait, ouais. Et donc, ça déroule une histoire d'un mec avec une nana. Mais au début, tu savais pas où tout ça allait t'amener. Pas vraiment, non. Okay, ah, voilà, c'est les mots qui amènent les idées. Donc, c'est ce que je disais au début. Ça, exactement, oui. Ouais. Est-ce que tu es musicienne? Musicienne. Alors, j'ai commencé la guitare à 40 ans quand même. Ok. Sans jamais avoir pratiqué la musique auparavant. Pourquoi la guitare? J'ai toujours eu... un fantasme de revoir les guitaristes sur scène, depuis toujours. Et c'était mon rêve absolu de jouer de la guitare. Et mon beau-père m'avait acheté une guitare, malheureusement, que j'ai cassée quand j'étais ado. Donc voilà, j'ai pas pu... Sur la tête de qui? Sous mes fesses à moi. Ah, okay. Ah, et sur la tête de personne. Ah d'accord, c'est mieux, ok. Et du coup... j'ai réalisé mon rêve et alors au début je faisais pas l'harmonisation. Ok. Les mélodies au tout début c'est pareil, je les faisais pas. Et j'ai fait 8 ans de chorale, donc c'était mon chef de chœur qui faisait les mélodies. Il m'a fait 5 ou 6 musiques comme ça. Et puis petit à petit je me suis dit non j'y vais dans ma tête, j'entends ça. Voilà, c'est vrai que les mots ont une musicalité, comme tout le monde sait. Hein. Et après, l'histoire, c'est que j'essaye de m'éloigner du texte. Au paléolithique de l'espèce humaine, énergumène, peu sympathique, à peine sorti de l'eau, devenu crapaud, se prenant pour un prince, mais encore pourvu de pinces. Le gouja, c'est un gros poisson. Le gouja, c'est pas un goujon. Le gouja, c'est un mec à moustache qui fait splash. Un poisson-chat trempant dans un bouillon dégoûtant. Dans le haut Moyen-Âge, un mâle à fourrure en couverture des nuits d'ouvrage. Le seigneur ou le gueux, pour la dame en bleu, abusait de lanière sans souci du commissaire. Avait même travers, exception faite d'être ouvert. Puis vint la Renaissance, ses nobles coutumes, dans des costumes faits pour la danse. Lumière sur le vilain, un peu moins crétin, transformé en bel âtre, à la tête fardée de plâtre. Le goujat, c'est un gros poisson. Le goujat, c'est pas un goujon. Le goujat, c'est un mec à moustache qui fait splash. Un poisson-chat mutant, un brouillon de gentleman. À l'ère des féministes, l'extinction complète de ces ablettes reste utopique. Contre ce faux ami, goujat, je veux pardi défendre le prétoire, le chasser de ma baignoire. Ne pas gober le soir l'hameçon de sa nageoire. Le goujat, c'est un gros poisson. Le goujat, c'est pas un goujon. Le goujat, c'est un mec à moustache qui fait splash. Un poisson-chat mordant, un couillon de cure-dent. Un poisson-chat mordant, un couillon de cure-dent. De pas que la mélodie soit pas trop collée. Ah ouais, collée. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que qu'elle je veux respire dire, un peu sans le texte. Ben disons qu'elle soit jolie sans le texte, qu'on ait envie de la fredonner, que ce soit une mélodie vraiment. C'est pas toujours facile. Hein. Parfois je fais des mélodies vraiment plan-plan. Hein. Okay. Mais ça me convient pas. Mais bon, après, voilà, je me dis, ben c'est le style qui va être comme ça pour cette chanson-là. Allez, bon, mais bon, j'en suis pas trop contente. Mais quand la mélodie s'échappe un peu de la mélodie initiale qui est collée au texte, qui vient des mots, quoi. Là, je suis contente, quoi. Vraiment, là, pour moi, je suis satisfaite. Et puis, j'essaye de trouver une harmonie. Je me creuse pas trop la tête, mais je fais pas forcément, je vais pas chercher des accords très complexes, parce que mon prof de guitare, au départ, m'avait harmonisé d'une façon très compliquée mes chansons, et après, pour les jouer sur scène, ah, c'est pas évident, ouais. Bah, c'est la merde. Hein. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu sais lire la musique? Non. Ok. Alors, tout à l'oreille. Pour écrire? Ouais, mais comment tu fais pour écrire? Ah bah tu verrais mes cahiers. Ok, ok. Alors il y a le texte. Ouais. En dessous. Mais j'ai honte de raconter à la radio. Mais non, pourquoi? Il y a pas de problème. En même temps, je me dis, peut-être je suis pas la seule au monde à faire comme ça. Mais hein. Non, écoute. En fait, je pourrais écrire les notes sur une partition, j'y arriverais. Okay, ah oui, ok. Mais c'est tout ce qui est les mesures, les soupirs, okay. Les voilà, le rythme que je ne sais pas écrire. Donc, en dessous de mon texte, il y a les notes écrites la, ré, fa dièse, okay, do dièse, mi. Okay, par exemple. Écrit et non pas avec. À la, pas avec le. Oui, okay. Pardon. Oh, vas-y. Pas avec le dessin. Ok, parfait. Okay. Oui, en toutes lettres. Ok, do, ré. Oui, okay. Non, c'est enfantin. Non, bah oui, c'est et bien. Au-dessus, en rouge et en gras, il y a l'accord. Ok. Et voilà, je me trimballe avec ça. Et quand tu te. Lorsque tu t'accompagnes, tu peux te relire. Ah oui. Ok. Très facilement. Est-ce que tu fais ça souvent, des petits spectacles entre amis ou avec des groupes? Moi, cette année, parce que je fais un mémoire en musicothérapie sur la chanson, okay. En musicothérapie. Mmh. J'ai fait une formation à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, donc ils ont voulu que je développe ce sujet de la chanson en musicothérapie, donc ça me, voilà, ça me prend la tête. Ben ouais. Alors j'en ai moins fait, mais à un moment donné, pendant 3-4 ans, j'en ai pas mal fait, ouais. C'est-à-dire que tu vas dans un espace et ouais. Tu chantes. Voilà, c'est on va au. Alors avec mon éléphant, il y avait eu le Royal 11 dans le 11e. Là, c'était 5 chansons. Là, c'était okay. L'Eldorado. Là. Ah ouais, ouais. Il y a le Connétable, bien sûr. Non, oui, bah, c'est voilà, ouais. Voilà l'Éternel. Hein. Ouais. Est-ce que tu connais le Cénobar? Oui, j'ai jamais okay. Chanté au Cénobar. Okay. Mais j'ai été voir des copains. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai été voir Archipol, j'ai ouais. Été voir. Est-ce que ça donne le goût? Je sais pas encore. Ah oui. Pour moi, c'est déjà. Après, bon, les gens au Cénobar, je crois que c'est une scène très sympa. Hein, et la tenancière est très très sympa. Christelle, oui. Mais je sais pas, ça m'impressionne un peu plus que le connétable, je trouve. Pourtant, le connétable, c'est assez impressionnant aussi parce que là, on est dans un silence. Les gens sont très attentifs. C'est pas un bar, c'est une vraie salle. Le Cénobar, les gens peuvent discuter, boire un coup, et du coup, il faut aller les capter un peu plus. Donc là, il y a quand même un enjeu peut-être un peu plus. Ça peut être une belle école. Alors j'ai déjà chanté dans des bars, l'école, voilà, donc tout le monde discute et on perd des fois les gens. La troisième chanson, c'est fini, on a perdu. Les gars, on passait par là, pas juste les gars, on passait par là, c'est une école en soi. Ouais, carrément. Et à 3h du matin, c'est pas le même public qu'à 21h, là. Les gens sont plus bourrés, puis des fois ça se termine pas, les gens sautent parce que... Il y a bousculade, il y a une certaine violence. Ouais. Ah oui. Les gens sont sous. Oui, mais c'est ça. Et encore, nous, on a de la chance parce qu'à l'époque, il y avait des tremplins, des choses comme ça, où ils balançaient des tomates sur les gens quand ça ne leur plaisait pas. Ouais, ça c'est assez. Ouais, je suis mis dessus. Bah moi, je trouve qu'au moins, tu trouves ça radical. Ouais. Trop radical. Oui. Ouais, trop méchant. En même temps, pardon, je te dis. Non, vas-y. Non, mais en même temps, si c'est mauvais, au moins, tu te dis... Voilà. C'est l'honnêteté, c'est pour ça que je te dis que c'est une belle école. Parce que si ça fonctionne, ils sont attentifs. S'ils ne sont pas attentifs, ben, c'est peut-être un petit signe de retravailler le texte. Ouais, ou même de changer de métier, quoi. Ouais. Et quand tu as plusieurs métiers, ça ne te dérange pas. Tu continues avec ton marteau et tu t'en vas. Et mon piqueur. C'est ça, exactement. Et ton piqueur, oui, exactement. Alors, tu as quand même quelques chansons. Et là, le problème, c'est que tu n'as pas assez de temps à consacrer. Là, actuellement, non. Mais l'année prochaine, je pense que quand j'aurai soutenu tout ça et que j'en aurai fini, oui, j'essaierai Voilà, de voir s'il n'y a pas moyen d'enregistrer quelques chansons, quoi. Et de refaire quelques petits concerts. Est-ce que tu veux mettre ton travail qui te permet de vivre en sourdine pour pouvoir te consacrer à la musique ou pas vraiment? Non, je ne mettrai pas mon travail en sourdine. Parce que j'écris aussi à côté, là j'ai écrit des contes pour enfants. Je suis en train de les illustrer. J'ai besoin d'avoir de mener plusieurs projets comme ça. Bon, okay. Pas non plus 10 000, hein, parce qu'après on devient fou. Hein. Faut avoir le temps. Mais que la chanson, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, mais je pense qu'au niveau écriture, je me débrouille, je suis capable de faire des musiques quand même qui tiennent la route, mais peut-être au niveau de l'interprétation, je suis pas encore à mon maximum. Alors, du coup, je me dis, bon, je vais... Voilà, il faut que je gagne en assurance par rapport à ça. Je sais pas si tu vas pas le couper au montage. Je fais aucun montage. Aucun montage. Non, sinon, ça finit plus. Disons que en progrès encore. Ouais. En progrès. En progression. En progression. J'ai jamais tellement pris de cours de chant. Bon, je devrais peut-être en prendre. Je sais pas, écoute... Il n'y a pas encore l'envie, on sent qu'il n'y a pas encore le... Il y a pas... Je m'éclate à l'atelier de Claude Lemel à faire des chansons. Okay. Je m'éclate, mais l'envie d'être sur scène et d'avoir un public, de... Alors, chez Claude Lemel, quand on présente sa chanson, on est quand même une 15-17 dans les ateliers, des fois un peu plus. Hein. En stage, on est combien ? On est 40, je crois, les stages de septembre. Et on chante, ça fait des mini-concerts à chaque fois. Hein. Bon, même si c'est que des gens qui sont comme nous, qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Mais je sais pas, ça me suffit presque. C'est quand même dommageable. Hein. Mais, C'est ça, c'est plutôt une activité connexe à ton travail principal. Ni plus ni moins. Et en même temps, je l'adore et je pourrais pas arrêter. Ouais. Je ne ferais pas de chansons. Je sais que ça me manquerait profondément, quoi. J'adore faire des chansons. Je trouve que c'est un art magnifique, un art à part entière où j'ai encore à progresser parce que faire une bonne chanson, c'est très dur. Y a tellement de gens qui font des mauvaises chansons. Tu ressors de là... Qui jouent dans les FM, c'est ce qui est dramatique. Il y en a qui sont aussi excellents. Hein, il y en a pas tant que ça qui sont... Une bonne chanson, c'est vrai que c'est vraiment un art très, très, je trouve, très compliqué. Un refrain, pont, ou pas de refrain, des couplets qui sont pas trop longs, une musique qui reste un peu en tête, qu'on ait envie de réécouter, qu'il soit pas ennuyeux, dont le thème puisse toucher, qu'il puisse émouvoir, qu'on ait envie de réécouter, tout simplement, quoi. Voilà, que ça soit de pas la juste. Voilà, qu'on ait envie de réécouter, qu'on se dise, ah là, cette chanson, il y a quelque chose vraiment qui est quand même vraiment très intéressant, quoi, musicalement, au niveau du sens, du fond, de la forme. Voilà, ça je trouve que, donc du coup, moi j'ai envie de continuer à progresser dans cet art-là qui est magnifique. Enfant, quelle musique que tu écoutais, tes parents écoutaient quelle sorte de musique? Alors, mon père de la musique classique, okay. Mais j'étais pas trop fan, okay. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, j'en écoute pas beaucoup. Okay. Et ma mère, par contre, c'est elle qui m'a tout appris. Okay. Elle, c'était Brel. C'était Reggiani, Léo Ferré, pas Brassens. Brassens, je l'ai découvert très très tard, vers 40 ans, carrément. Hein. Okay. Au début, Bob, c'était sans plus. Et puis d'un coup, c'était jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est vraiment comme beaucoup de gens. J'ai tout écouté, j'ai le coffret, donc je le mets vraiment parmi, au max du max. Ouais, okay. Et puis, à côté, ma mère, c'était aussi les Pointer Sisters, c'était aussi Manitas de Platas, c'était aussi Django Reinhardt, c'était aussi, voilà. Donc, il y avait un mélange de chansons françaises, de musique manouche, de soul... les Beatles, ah oui, alors ouais, ma mère, les Beatles, le double album, rouge et bleu, voilà, on les voit au balcon là. Donc voilà, donc j'ai toujours aimé la pop anglaise, le rock anglais, pop rock anglaise, la musique soul comme ça, et la chanson française bien sûr. Et mes premiers disques à moi, quand j'ai eu 13-14 ans, ça a été les 45 tours, les petits, ouais. Que je mettais dans le manche-disque orange, là, dans la bouche du manche-disque. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'était France Gall, Tout pour la musique, okay. Et le Regatta des Blancs de Police. Ouais, okay. Voilà, c'est mes deux premiers albums. Oh. Et donc, vraiment, il y a ces... Donc, du coup, quand je fais mes musiques, j'essaye, je dis pas que j'y arrive toujours, mais de faire des mélodies un peu comme ça. Accrocheuses. Un peu comme les Beatles, quoi. Enfin, non, mais jamais je réussirai. Enfin, peut-être un jour. Mais en tout cas, ce sont mes modèles, des mélodies, quoi. Des vraies mélodies. Et Claude Lemel nous dit souvent, bon, lui, il adore les Beatles, hein, mais que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et que les musiques, souvent, elles sont un peu bof, quoi. Je parle pas des miennes, hein, mais non. En général, même aussi les miennes, parfois. Mais voilà, donc il y a beaucoup de travail encore, et je pense que j'en ai encore pour des années, jusqu'à bien après la retraite. Oui. Quoique des fois, il faut provoquer notre retraite pour faire ce que l'on aime. Oui, provoquer la retraite, oui, faut l'avancer, quoi. Ben, on l'a choisi, on n'attend pas que le gouvernement voilà, nous le dise. Voilà, c'est ça. On est assez grand. On se met en retraite à 20 ans, quoi. Non, mais moi, je ne veux pas prendre ma retraite. Chez nous, c'est 65 ans, je veux la prendre avant. Ce n'est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire. Mais du coup, toi, tu es journaliste? Pas du tout. Il m'a déjà dit que j'étais obligé de me renfermer chez moi pendant 2 ans pour une chose invraisemblable. Donc, on ne me dira pas de prendre ma retraite à 65 ans. Non, je ne suis pas journaliste du tout. Tu es musicien? Pas du tout. On est très morts à table, ça fait 1, 2, 3 d'entre nous qui fut le moins aimable, qui sort à jamais du tableau. On est 13 et pas dans nos assiettes. Bonjour le climat, complètement givré du squelette. Cliquetis de tibia, on est très ennuyés. Il aurait mieux fallu faire un buffet. On est très partiront donc au sort. Solution la seule envisageable étant nivelée par la mort. On est treize comme des chiens de faïence, fuyant du regard le voisin au profil de crédence, faut trancher sans le lard. On est très ennuyés, mais à la courte paille, on va tirer. On est très ennuyés, ça y est, le mort sortant est désigné. On est douze morts à table, notre compte est bon. Après tout, on reste vulnérable en matière de superstition. On est douze le nombre des apôtres autour d'un Jésus. Délicieux avec une côte, rôti, sacré jus. On est douze heureusement, on va enfin se régaler. On était treize morts à table, ça ne pouvait pas bien se passer, pas bien se passer, pas bien se passer, bien qu'on soit. Comme ça, Boris vient, faut que ça saigne. Ah bah oui, ouais. Mais un peu quand même. Hein. Ouais. Mais il a raison. Hein. Ouais. Bah oui. Mais pas sur soi. Eh non, non, non. Oh, peut-être sur soi un peu aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme voilà, lui c'est génial. J'adore. Tu sais, j'ai une amie qui est journaliste. Elle a toujours des surprises comme ça dans sa haute. Ah oui, ah ben voilà. C'est la haute du journaliste. Et il y en a 10. Génial. De l'eau. Ouais. L'eau du robinet ou l'eau... De l'eau sous toutes ses formes. Ok. Mm. Si tu étais une ville. Ouagadougou. Ah oui. Est-ce que tu y vas? J'y suis allée. Ok. C'est génial. L'Afrique, j'ai travaillé en Afrique en fait, dans l'humanitaire. Combien de temps? J'ai fait plusieurs séjours sur des projets quand j'étais plus jeune. Et je ne suis pas restée des années, mais je suis restée plusieurs mois à chaque fois. Pour aimer l'endroit. Comment ? Tu es resté assez pour aimer. Ah oui, ah oui, le Burkina Faso, l'Afrique, j'ai fait plusieurs pays, non, formidable, un continent extraordinaire, quoi. Si tu étais une langue. Une langue. Ouh là là, une langue. Le français. Ah ouais. Vraiment. Très politique. Ouais. J'ai hésité, mais non, je trouve pas mieux. On parle en français, nous sommes en français. Nous sommes le français. Si tu étais un mot, une époque, excuse. Une époque. L'après-guerre 39-45, là, les années 50. Okay. Pour rencontrer Chanel et tous ces... Pour danser, pour la mode... les couleurs. Il me semble qu'il y avait beaucoup de joie, bah forcément, ah ouais, après la guerre. Ouais. Voilà, voilà. Si tu étais un mot. J'hésite entre amour et liberté. Liberté. Liberté. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment. Un aliment. Ah, j'ai compris. Un animal. Ben, après j'ai compris un animal. Avant, tu disais aliment. Ah oui. Mais aliment, ça fonctionne pas. Donc après ça, c'est aliment. Après ça, je suis ah, aliment. Aliment. Oui, oui, oui. Ouais. Un aliment du fromage, du crottin de chavignol. Ah oui. Il y a un endroit ici, là, ils ont du fromage extraordinaire. Si tu étais une saison. J'hésite beaucoup, je ben trouve. Oui, hein. C'est ce qu'il faut, on peut prendre le temps. Non, mais, l'été. L'été. L'été. Ouais, l'été. Mais là, on nous avait annoncé 33, il ne fait même pas 30. Ah, oh, il fait que 32, quoi. Ouais, dans ma tête aussi. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Un doigt. Un doigt. Un doigt. Lequel? Le celui-là. Ah, voilà. Ah, celui-là. Mais c'est pas. C'est, on est à la radio. Oui. Heureusement. Mais je dirais. Et si tu étais un moment de la journée? La nuit. Ah oui. Est-ce que tu mens la nuit? Est-ce que je mens? Tu t'en laves les mains. Ça peut m'arriver, ouais. Oui? Ouais, ouais. Oh. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? À choisir le même chemin. Alors, je fais le même chemin, mais je pense que je rajouterais des petits chemins de traverse, des petites bifurcations, voilà. Mais oui, globalement, oui. Après, oui, je retirerais peut-être une ou deux... histoires. Oui, voilà, oui, il y a toujours deux, trois choses qu'on voudrait quand même... effacer. Oui, ou faire mieux, voilà. Mais bon, il ne faut pas trop avoir de regrets quand même, hein, parce qu'après, on rumine. c'est grâce aux erreurs qu'on peut s'améliorer. Ben, bien sûr. Et puis les erreurs sont toujours... Salutaires, et puis on peut essayer de les corriger aussi. Oui, par la suite, oui, pour ne pas refaire la même chose. Voilà, voilà. As-tu beaucoup de projets? T'es une fille avec plein de projets? Beaucoup de projets, pas mal de créativité, je pense. Je ne peux pas vivre sans avoir un projet artistique, voilà. Les projets, ouais, quand même, ouais, pas mal de projets. Ouais, j'aimerais écrire un livre, j'aimerais faire un album ou deux. Un livre sur. Éditer mes contes pour enfants. Un roman où ça parlera d'Afrique, justement, okay. et de métissage. Oh. Qui se passe bien. Yeah, oui. C'est une histoire de vie, c'est une histoire. Oui, j'ai une fille qui est métisse. Ah, c'est bien. Voilà. Ok. Et avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que on a besoin de croire en ces mélanges culturels. Et... Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Mais il y en a de plus en plus, des métissés. C'est ce qui est beau. Bah, à l'époque, moi, j'étais un peu... je me sentais d'avant-garde. Pionnière, ouais. Ah, avant-garde, ouais, ça va, t'as raison. Et puis maintenant, effectivement, oui. Plus en plus. Et puis c'est très bien. Ben oui. Voilà. Ben oui, voilà. Ça donne une couleur beaucoup plus intéressante. Tout le monde paraît, c'est pas si plaisant. C'est pas une si... multicouleur. Oui, multi-race, multi-langue, multi-différence. Ouais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Qu'est-ce que tu voudrais que je te souhaite? De faire une chanson qui marche. Super chanson. Okay. Qui sorte, qui soit vraiment une magnifique chanson, qui resterait comme certaines chansons, voilà, qui ont marqué l'histoire de la chanson. Moi, avec le temps. Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Ça, j'aimerais. C'est ma quête. Une chanson de rêve aussi, assez. Ouais. Est-ce que tu en as une dans ton tiroir? En ce moment, j'en ai une que j'aime bien, mais... Quand tu l'as fait, comment c'est... pris, comment les gens réagissent? Ah, bien, ils réagissent très bien. Mais je pense que je suis pas encore arrivée à cette chanson-là. Okay. Et puis comme je suis une éternelle insatisfaite, je me dis toujours qu'on peut faire mieux et que voilà. Mais en même temps, c'est bien d'avoir de pas encore avoir atteint son but, non. Parce que du coup, on est encore en chemin. On voilà. Peut continuer sinon on s'arrête. C'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi aussi. De cette rencontre. Ben oui. Ben oui. Et puis comme je termine toujours avec le même mot, tu parlais d'ancien français tout à l'heure, à la voyure. À la revoyure, avec plaisir. Ouais. Et c'est bien de revoir les artistes parce que comme ça tu vois. Il y a un suivi. Ah ouais, tu vois. Il y a une actualité surtout. Et puis tu les motives pour aller au bout de leur. De leur passion. Mais je peux comprendre que quelqu'un veut faire ça dans, comme loisir, comme la dame tricote, comme le. Ah monsieur. Non, quand même pas. Okay. Un peu plus. Parce qu'il y a quand même l'idée de l'album. Oui. Qui sommeille le premier temps. Ah oh, bah depuis. Oui. Quelque part toujours, parce qu'à un moment donné les chansons, voilà, on a envie de les matérialiser. Ouais. On les matérialise dans nos sociétés. Ouais. C'est vrai qu'en Afrique, tout est oralité, ouais. Rien n'est gravé dans le marbre. Non. Les chansons se passent de génération en génération. Ils s'en font sur place. Voilà, et ils s'en fichent, mon Dieu. Ouais. Bon, moi aujourd'hui, évidemment, les artistes d'aujourd'hui, non, mais à l'époque, moi, les gens que je connaissais, ils chantaient dans les villages et ils s'en fichaient de faire des disques. Alors peut-être que je suis un peu influencée par cette culture-là que j'ai ouais. beaucoup côtoyée aussi. Ouais. Mais malgré tout, je reste... C'est ça. Ah, sachant. Voilà. Tout ce que tu étais dévoté, tu le savais. Voilà, parce que le matérialisme, ok, c'est bien, mais j'aime aussi ces sociétés où tout est dans l'air. Dans et... la réalité, oui. Voilà. Ça. Pas dans... Non, et... Dans... La fabrication. Donc voilà, c'est ça. Dans la transmission. Ouais. Ouais. Ouais. Ça, je trouve ça beau. Oui. Alors, ben, écoute, on va se revoir incessamment, sans doute. J'espère. Et je te souhaite un beau spectacle avec notre ami. Marc Avey, le 13 juillet. Ben oui, le jeune Marc Avey. Ah, le jeune, le fringant. Hein. Le fringant, oui. je l'ai rencontré ici l'année dernière et... Je l'ai aidé un peu à se lever parce que ça faisait déjà 2h30 qu'il parlait. les jambes ne fonctionnaient plus très vite. Mais ça reste un être extraordinaire, un être avec une intelligence. Ah, et puis une culture de la chanson, une connaissance et une mémoire incroyable. Ouais, c'est voilà, vrai. C'est le roi de l'anecdote. Il a rencontré tous les artistes. Oui, ouais, c'est vrai, beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Vraiment. C'est un puits de renseignements et de connaissances. Une encyclopédie ouais. musicale. À deux pattes. même il a écrit... À deux oreilles. À deux oreilles. Il a écrit toutes ses œuvres. Il a ramassé toutes ses œuvres dans un recueil que j'ai. Oui. Un beau livre. C'est oui, je l'ai aussi. Magnifique. Que tu peux ouvrir n'importe où et tu peux t'abreuver quand tu veux. Tu reprends après, tu reprends plus tard. Ben voilà un de mes projets, de mettre tous mes textes en chanson, de les éditer et de les illustrer. Ah oui. Voilà. Tu fais du dessin aussi? Oui, du collage, du dessin, de la peinture. Ok. Ouais. Beaucoup de collage. Ah, c'est bien. Puis en plus, c'est la création amène la création. Tu peux, à travers la peinture, être inspiré puis en faire une chanson. C'est... Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Mais merci. Merci à toi. Puis, comme je le dis, à la revoyure. Puis, je te souhaite l'album. Merci. Je me le souhaite aussi. Alors, t'as encore 10 ans. Comme ça fait 10 ans, t'as encore 10 ans. Moins que 10 ans quand même. Oh, t'as toute une vie ou c'est toute une vie? Allez, 5 ans. 5 ans? Oh, 5 ans, ok, parfait. Au moins une chanson. Voilà. Ah oui, non, mais au moins un EP. Ouais, EP, ouais. Mais EP, ça peut être, attention, là, le EP peut comporter 7 chansons. Ouais, 7. Voilà. Ça serait plus ça. Ouais. Mais les chanteuses que je rencontre, là, EP, c'est entre 5 et 7. Ouais. Non, mais peut-être que je commencerai avec la totale. 25 chansons, allez, je mettrai tout. Mais ça peut faire un 10, 25 chansons, c'est bien. Ça sera un double. Un double. Bon. Allons-y. Ça coûte cher, le double. Voilà. Tant pis, je mettrai toutes mes économies. Oh, toute ma vie sera là-dessus. Ah, mais merci, c'était merveilleux. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.